seront posés. L'heure s'est remplie de jalousie, j'en reçois du champagne, mon pote aussi. Tous millionnaires, oui, c'est possible. Ne vois-tu pas que j'ai grossi? La note, ça n'est pas un souci. Pour rentrer dans le film, tu négocies. Tago, tago, tago, tago sans live. Ces mecs sont vampirisés. Pense qu'à rentabiliser. Tout le petit sont misés. Qui de tout sera bluffé? Frère, fais ce qui te plaît. Ne veux jamais dépenser 10 fois plus que ta paye. Tu fais pas plus qu'une abeille. Au garage, coffre les bouteilles. T'as les mêmes femmes que la veille. Envoie, toi te envoie. Mets le 20 bouteilles, toi te envoie. Tu te combois, tu te combois. Mets le 20 bouteilles, toi te envoie. Tu nous as bluffé, t'as envoyé. Tu fais le blindé, mais t'as menti. C'est tes petits qui tiennent dans ta tête. Fais pas le touche des buts dans le vide, ton équipe est sur le vomi. T'as mis ses claquets, tu t'en rends compte demain dans ton lit. Dans le club ce soir, y'a des milliers, des milliers, des millions. Dans le club ce soir, y'a des milliers, des milliers, des millions. Fais pas le touche des buts dans le vide, ton équipe est sur le vomi. T'as mis ses claquets, tu t'en rends compte demain dans ton lit. Dans le club ce soir, y'a des milliers, des milliers, des millions. Ce soir, y'a des milliers, des milliers, des millions.